Une miette de gens. Une miette de gens. Une miette de gens. Et beaucoup d'histoires. Une miette de vin et beaucoup d'histoires. Épisode 6. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien me prêter une oreille attentive. Me prêter une oreille attentive. Quelle phrase! Voulez-vous me prêter l'oreille? Il paraît que quand on prête l'oreille, on entend mieux. C'est faux! Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux. Il y a des phrases comme ça. Par exemple, j'ai ouï dire. Le verbe ouïr. Le verbe ouïr au présent, ça fait joie. Joie. Si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux, alors que ce que j'entends est peut-être triste. Il faut préciser, Dieu, que ce que joie est triste. Joie. Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois? Il oie. Voyons-nous. Vous voyez? Ils oient. C'est bête. Enfin. Laissons ces réflexions à Raymond DeVos. Nous n'allons pas parler ici d'un animal. Mais plutôt du plus connu des forgerons dans nos contrées, Éloi. Homme fort habile dans son domaine, Éloi devient rapidement orgueilleux. Un jour, il ose inscrire sur la devanture de sa forge « Éloi, maître des maîtres, Éloi, maître de tous ». Très vite, là-haut, le grand créateur est mis au courant de cette sottise et convoque illico presto l'un de ses agents spéciaux, le gardien de son royaume, Pierre. Pierre a de nombreuses qualités, passe-partout, examinateur de conscience, mais surtout pédagogue. Aussitôt informé de la situation, Pierre échafaude un plan, contacte quelques connaissances et se frotte les mains. Éloi va recevoir une bonne leçon. Pierre descend donc sur terre et se présente devant Éloi. « Bonjour, monsieur. Je suis passé devant votre forge et j'ai lu votre enseigne. Je suis à la recherche d'un lieu où je pourrais acquérir les connaissances et le savoir-faire pour devenir un excellent forgeron. Voulez-vous bien m'enseigner votre art ?» Éloi est assez flatté par la demande de ce jeune homme, mais il hésite. Le temps est précieux pour un artisan de son envergure. Doit-il vraiment le gaspiller avec lui? Je suis, en effet, le meilleur dans le domaine, dit Éloi. Mon travail demande de la précision, de la rigueur et du courage. Cela requiert aussi de l'exigence envers soi, mais également envers ce que l'on crée. Tu dois en plus être en excellente condition physique. Tu m'as l'air bien maigre. Et pas vraiment assidu à la tâche. Je ne sais pas si tu mérites de suivre mon enseignement. Pierre ne se démonte pas et dit « Testez-moi, et je vous prouverai ma valeur. » Éloi réfléchit quelques instants, et le sourire en coin lui répond « Bien, nous allons donc procéder à ta première leçon. Si tu arrives à fabriquer un fer à cheval aussi parfait que celui-ci, Éloi lui en montra tout juste forgé. « Je te prendrai comme apprenti. Mais sache qu'il m'a suffi d'à peine 3 chaudes pour le faire. » Éloi se réjouit déjà du divertissement que cette épreuve va lui fournir. Dans ces temps de dur labeur, il a bien le droit de se détendre un peu, non? Même aux dépens de ce pauvre garçon. Aussitôt dit, aussitôt entrepris. Pierre est un homme efficace. La barre de métal plonge dans le feu. Le soufflet s'active, le fer passe au blanc, le marteau tape, et quelques instants plus tard, Pierre présente à Éloi une pièce admirable, plus parfaite encore que le modèle. Et tout cela en une seule chaude. Éloi examine la pièce à la recherche de quelques défauts, mais rien. Piqué dans son orgueil, il brise son enseigne, la jette au feu et se retire dans ses appartements. Pierre peut être heureux, l'objectif a été atteint, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Après quelques jours d'isolement, Éloi redescend à la forge et trouve Pierre devenu par la force des choses son apprenti. Une parole est une parole. Un homme arrive avec un cheval affairé. Éloi s'apprête à commencer le travail quand le jeune homme se propose de le remplacer. Éloi n'insiste pas trop et l'observe donc tout en tentant de le guider au mieux. Le jeune homme pourtant n'écoute pas Éloi. Il sort son couteau, coupe le sabot, met le fer et recolle le tout en un tour de main. Ah, Éloi est abasourdi. A-t-il vraiment des choses à lui apprendre à ce blanc-bec? Éloi, à nouveau piqué dans son orgueil, se retire dans ses appartements. Le lendemain, Éloi arrive de bonne heure à la forge. Pierre l'y attend et lui annonce qu'il ne pourra pas travailler ce jour, car il souhaite aller se recueillir à l'église. Peu après le départ du jeune homme, un cavalier se présente à la forge, très pressé. Il souhaite que l'on fasse son cheval, rapidement. Éloi aimerait que son apprenti soit là pour répéter l'exploit de la veille. En son absence, il décide pourtant de tester la technique du jeune homme. Après tout, c'est lui l'expert en la matière. Il sort donc son couteau et coupe les sabots. Mais cela ne se passe pas comme le jour précédent. Le cheval le rue, s'affole, saigne énormément, le maître s'énerve et c'est un vrai carnage. Heureusement, le jeune homme revient et arrange tout. Livide, Éloi rentre chez lui. Le lendemain, l'apprenti a disparu et Éloi ne le cherche pas. Depuis cette aventure, il n'est plus tout à fait le même. Une bonne dose d'humilité l'accompagne à présent. La leçon a tellement porté que peu de temps après, il abandonne la forge et s'en va étudier. Il deviendra sage, très sage. Et souvent, on lui demandera conseil. Mais ceci est une autre histoire. Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Le bon saint Éloi lui dit, « Oh mon roi, votre majesté est mal culottée. » « C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. »